J'imagine. J'imagine qu'un arbre, puisant par ses racines des dernières fraîcheurs. J'imagine qu'un instant, encadré de ses termes, priant la déchirure. J'imagine la chaleur de nos mains rapprochées, impulsant le départ. J'imagine qu'un fleuve, en étendant ses bras pour que le barrage cède, mais qui se calmerait pour épargner la feuille venue mourir ici. J'imagine qu'un monde.